Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Me bebo bonni o me bia chro, enti me kan, no wa chre me bebi ewo. Me bebo bonni o me bia chro, enti me kan, no wa chre me bebi ewo. Montrez-moi où est l'enveloppe. Chre me bebi a krata botono wo. Chre me bebi a krata botono wo. Montrez-moi où est la clé. Chre me bebi a ki no wo. Chre me bebi a ki no wo. Montrez-moi où est le rasoir. Chre me nie eye nie edi yi abodwese. Chre me nie eye nie edi yi abodwese. Montrez-moi où est le verre. Sho, chre me adi a yedi num nsu. Sho, chre me adi a yedi num nsu. Montrez-moi où est le crayon. Chre me adi a yedi tro. Chre me adi a yedi tro. Montrez-moi où est le téléphone. Chre me adi a yedi fre. Chre me adi a yedi fre. Montrez-moi où est la montre. Chre me adi a yedi cut time. Chre me adi a yedi cut time. Montrez-moi où sont les ciseaux. Chre me bebi a paso ne wo. Chre me bebi a paso ne wo. Montrez-moi où est le peigne. Chre me bebi a fe ne wo. Chre me bebi a fe ne wo. Montrez-moi où sont les lunettes. Chre me bebi a hwe ne wa ne wo. Chre me bebi a hwe ne wa ne wo.